Sur la côte, de Poème, par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sur la côte. Un vent rude soufflait par les azurs cendrés. Quand du côté de l'aube, ouverte à l'avalanche, l'horizon s'ébranla dans une charge blanche, et dans un galop fou de nuages cabrés. Le jour entier, jour clair, jour sans pluie et sans brume, les crins sautant, les flancs dorés, la croupe en feu, ils ruèrent leur course à travers les terres bleues, dans un envolement d'argent pâle et d'écume. Et leur élan grandit encore, lorsque le soir, coupant l'espace entier de son grand geste noir, les poussa vers la mer, où criaient les rafales, et que l'ample soleil de juin, tombé de haut, se débattit, sanglant, sous leur farouche assaut, comme un rouge étalon dans un rut de cavale. Fin de Sur la côte.